Rencontre Jésus qui purifie, tu laves dans le sang de l'agneau, as-tu pleinement confiance en sa grâce, maintenant es-tu lavé dans le sang de l'agneau. Es-tu lavé, lavé dans le sang de l'agneau qui purifie les âmes, tes habits sont-ils purs aussi blancs que neige, tu lavé dans le sang de l'agneau. Es-tu lavé, lavé dans le sang, de l'agneau qui purifie les âmes, tes habits sont-ils purs aussi blancs que neige, tu lavé dans le sang de l'agneau. Marches-tu chaque jour à côté des sauveurs, es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Demeures-tu toujours dans le crucifié, es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Es-tu lavé, lavé dans le sang, de l'agneau qui purifie les âmes, tes habits sont-ils purs aussi blancs que neige, tu lavé dans le sang de l'agneau? Il y a une fontaine qui coule pour l'âme, un puceau soit lavé dans le sang de l'agneau. Oh, soit lavé, lavé dans le sang de l'agneau qui périt sur les âmes. Tes habits seront plus aussi blancs que tes jours soient lavés dans le sang de l'agneau. Lavé dans le sang de l'agneau qui périt sur les âmes. Tes habits seront plus roses et blancs que neige au soir lavé dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau qui périt sur les saints, où tes habits seront plus aussi blancs que les neiges soient lavés dans le sang de l'agneau. Seigneur Dieu merveilleux et tout puissant. Olo malamu na uyanyoso. Toi, notre amour parfait. Notre amour d'éternité. La grande fontaine intarissable. De vie et de paix. Source du salut éternel. Le bouclier pour tous les humains. La haute sécurité. Béni soit ton nom éternellement. C'est ce privilège que tu accordes à nos âmes. À nos personnes, modestes personnes. Nous tenir devant Dieu, invoquer Dieu et lui parler. Oh, qui sommes-nous vraiment de parler devant le Dieu saint et parfait. D'oser dire un mot et rester vivant. Garder ses souffles devant le Dieu parfait. Alors que nous sommes des indignes, ayant des imperfections au-dedans de nous, étant injuste dans nos réactions, dans nos attitudes, étant injuste dans nos pensées, dans nos comportements, mais toi tu nous fais grâce de nous supporter, de nous tolérer, de nous admettre que devant ta sainte face, oh Dieu, ceci est touchant. Que nous nous sentons aussi insignifiants, que nous voulons nous effacer nous-mêmes pour que toi seul apparaisse, que toi seul domine, que ton image prédomine. Nous fasse disparaître chacun. À notre vieil homme, que nous puissions nous anéantir pour que la vie réelle, la vie de Dieu, se manifeste efficacement. Exauce nos prières. Nous t'appelons sur la scène, Seigneur, car tu es indispensable pour nos âmes. Tu es incontournable. À tout instant, en tout lieu, nous avons tellement besoin de toi. Soif de ta présence, Seigneur. Agrée-nous, Seigneur, et conduis nos pas, notre langage et notre spiritualité. Nous comptons sur toi, plus que sur tout, dans le nom de Jésus-Christ. Exauce nos cœurs maintenant, et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous allons lire deux passages bibliques en guise d'exhortation. Philippiens chapitre 2. Nous prenons le verset 5 à 7. lié en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Bukanisa kati na bino yango ikanisa ki Kristo Yesu. Ata ajalaki na motindo na Nzambe, atanga ki te ete ameka kokokana na Nzambe nde. Amiyeisa ki pamba, akamati motindo na moombo, abotami na lolenge na mot na bato. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Kandali bosoya ba Timothée mokapa misato molongo azomina motoba. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Libomba mina makambo na Nzambe ezali monene pela moko koyamboli ete ye oyo amimonisaki polele kati na nzoto alongisami kati na molimo amonani na banje asakolami kati na mabota andimisami kati na mokili anetolami kati na nkembo. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole et la bénisse dans vos cœurs. Veillons nous asseoir. Bienvenue à cette portion d'exhortation biblique autour de l'évangile surnaturel, le message de notre Dieu vivant. Notre Dieu n'est pas mort, mais il est vivant. Et quand le jour d'adoration arrive, ça nous rappelle la personne de Dieu, qui est l'objet d'adoration. Donc, le sens de notre existence, c'est de l'adorer. Et il nous a placé ici-bas dans ce but-là. Dans Philippiens chapitre 2, nous voyons une grande leçon. Donc, plusieurs leçons sont là. Mais on ne peut pas le voir tout en même temps. Il y a la leçon d'humilité. Il y a la leçon de l'effacement. Du dépouillement de son main. Il y a la leçon de la divinité. Il y a la leçon de la serviabilité. Rendre service aux autres. Il y a la leçon de l'obéissance. Il y a la leçon de l'égalité à Dieu. Et aussi celle de la ressemblance à Dieu. Donc, rien que ces trois versets ici, Philippiens 2, versets 5, 6 et 7 peuvent produire d'abondantes matières à méditer pour les chrétiens. La parole de notre Dieu est trop riche. Voyez, mais la pensée que nous voulons partager avec vous, soit Dieu répandu. Dieu répandu. Dieu qui se répand. Ah, quelle leçon. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas sans modèle, vous avez un modèle. Vous n'êtes pas sans repère, vous avez un divin repère. Vous avez un exemple à suivre. La plus grande référence. La référence suprême. Pour toi chrétien, toi fils de Dieu, Croyant, Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Voilà notre texte ici. Jésus-Christ, la référence suprême. Le divin modèle. Il existe en forme de Dieu. Dans une forme. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Non. Mais il s'est dépouillé lui-même. Quand nous prenons la traduction de Darby, dans même passage ici, le verset 6 et 7, étant en forme de Dieu, étant. N'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu. On veut ravir le micro, frère. L'égalité avec Dieu. Non. Comme s'il était une autre personne, et que Dieu, une autre personne, et que Dieu tenait, il voulait avoir quelqu'un qui lui soit son égal. Il posait la question de savoir à qui allez-vous me comparer pour que je sois son égal. Et alors, et puis Jésus vient, moi, je vais arracher cette égalité. Même si toi Dieu tu contestes, mais je vais le prouver. Ce n'est pas ça. Mais lui-même étant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. N'a pas regardé comme un objet à ravir. Il n'a pas fait ça. Il ne pouvait pas le faire, il n'a pas fait ça. Ok, parce qu'il était lui-même Dieu. Dans une forme. Il était lui-même Dieu. Étant. Étant lui-même Dieu, dans une forme, mais il s'est dépouillé. Mais il sait quoi? Anéantir lui-même. S'anéantir soi-même. Lui qui existait ou était dans une forme. Mais il s'est anéanti. S'anéantir. Se réduire à néant. Pensez-y. Dieu, c'est celui qui peut tout. Et il peut même s'anéantir. Dieu peut le faire. Et à travers Jésus-Christ, il l'a fait. Vous dites quoi? Maintenant, si c'est anéanti, il n'y avait plus de Dieu? Pensez-y. Il s'est anéanti lui-même. Nous croyons ce que Dieu dit là. Il s'est anéanti lui-même. Et prenant la forme d'esclave. La forme de Dieu anéanti et la forme d'esclave. Émerger. La forme de Dieu. Anéanti. Pour se déplacer à la forme d'esclave. Non pas une autre personne. Mais seulement la même personne. Étant fait à la ressemblance des hommes. Dans la forme de Dieu, il n'était pas dans la ressemblance des hommes. Mais plutôt les hommes ont été faits à sa ressemblance à lui. Quand lui était dans la forme de Dieu, il a fait l'homme à la ressemblance de Dieu. Mais quand il décide de changer les choses, alors il en ayant la forme de Dieu, il prend la forme d'un serviteur pour être fait à la ressemblance des hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Qui dit amen à la vérité? Oh, nous aimons les choses de Dieu. Dieu est un grand acteur. Et quand vous prenez cette façon de voir les choses, vous verrez que, en parlant toujours de Philippiens 2, là, au verset 7, la tradition d'Osterwald. Vous voyez la même pensée revenir. Donc, je prends le verset 6 et 7. Lequel, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. Mais il s'est anéanti soi-même. En prenant la forme de serviteur et se rendant semblable aux hommes. Ça, notre Dieu l'a fait. Sommes-nous heureux de le savoir et de le croire surtout qu'il l'a fait à notre profit? C'est pour que nous soyons les grands gagnants dans cette affaire-là. Oh, Dieu soit béni éternellement. Qu'il ait décidé d'agir de cette façon-là pour nous donner une occasion. Nous, là, qu'il nous donne une occasion, une chance. Dans la traduction de Martin, Philippiens 2, verset 6 et 7. Vous voyez, la même pensée revient. Lequel, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. Mais cependant, il s'est anéanti lui-même. Là, on l'a dit, il s'est anéanti soi-même. Ici, c'est lui-même. Lui-même s'est anéanti. Dieu peut-il s'anéantir? Oui. L'a-t-il fait? Oui. Pour devenir quoi? Ayant pris la forme de serviteur. Fait à la ressemblance des hommes. Là, c'est Dieu, notre Dieu. Et il l'a fait à notre profit pour nous laisser l'exemple à suivre. Pour que celui qui pense être quelque chose, il considère qu'il n'est rien du tout. Si tu penses être devenu quelque chose, détrompe-toi. C'est lui qui était tout. Il ne sait faire rien. Et toi à ton tour, oui, le divin modèle. Cet exemple parfait. Le chemin pour monter consistera toujours à descendre. Écoutez, dans les temps de la fin, il a fait une promesse de répandre la pluie sur les gens. La pluie de son esprit. Et le Bernard dit ceci dans le sermon Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Du 29 juin 1960. Le paragraphe 91. Et non. Dans Joël 2:28, il a promis qu'en ces derniers jours, une pluie de l'arrière-saison serait déversée sur les gens. Déversée ou répandue. Déversée. Dans les derniers jours. Je pense que le mot grec est Kenos. En parlant de ce Dieu répandu. Alors, Branham dit, je pense que le mot grec est Kenos. Ce qui signifie qu'il s'est vidé lui-même. Il s'est vidé lui-même. Écoutez, non pas comme on pourrait l'entendre dans le sens de quelque chose qui se trouvait à l'intérieur de quelqu'un et qui se serait vidé. Non. Bongote. Pas dans le sens d'un récipient. Qui contenait comme de l'eau. Et puis on dit Dieu s'est répandu. Et que ça c'était l'eau qu'il y avait à l'intérieur. Et quand on penche le récipient, l'eau qui était dedans se répand. Ça c'est des verses comme ça. Et le récipient reste vide. Voilà. Donc, kenos, c'est pas dans ce sens ici. Où vous avez un contenant et un contenu. Et quand on vide le contenu, le contenant reste vide. Et qu'à un moment donné, vous avez affaire et le contenant et le contenu forment un tout. Mais quand on déverse, vous trouvez que le contenant et le contenu deviennent deux choses. Ce qui était contenu est par terre. Et ce qui était contenant reste vide là-bas. Donc, kenos ne veut pas dire cela. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est quelque chose qui avait un contenu. Mais il s'est déversé lui-même. Non pas dans le sens de se séparer en deux choses. Mais il s'est transformé lui-même. Voilà pourquoi il y a la notion de l'anéantissement. Il a anéanti une forme pour passer à une autre forme. Non pas venir récupérer un contenu et laisser le contenant vide. Non pas produire un fils et laisser un père au-dessus. Et puis dire le fils c'est le déversement du père. Il s'agit de la même personne qui change de rôle. Qui change de forme. Et pour assurer ce changement, il est passé par l'anéantissement. Ok. Je pense que le mot grec est kenos. Ce qui signifie qu'il s'est vidé lui-même. Non pas comme on pourrait l'entendre dans le sens de quelque chose qui se trouverait à l'intérieur de quelqu'un. Et qui se serait vidé. Mais il s'est déversé lui-même. Il changea son anamorphe. Un morphe. Il est passé de ce qu'il était à ce qu'il est. Il est passé de ce qu'il était à ce qu'il est. Il ne change jamais de nature. Mais le jour de la Pentecôte, il s'est transformé de fils de l'homme en fils de Dieu. Le jour de la Pentecôte, il s'est transformé de fils de l'homme en fils de Dieu. Il est venu non pas avec les gens, mais il est venu dans les gens. Vous voyez, le même Dieu dans le but de poursuivre son ministère dans cet âge glorieux. Est-ce que vous essayez de saisir la pensée? Dieu qui se répand. Dieu qui se déverse. Dieu qui se dépouille. Dieu qui s'anéantit. Mais il ne laisse rien au néant. Il s'anéantit, mais il continue à exister. Il demeure le maître de l'univers. En train de passer d'une forme à une autre forme. Quel grand Dieu abonné. Un Dieu qui peut tout. Qui même quand vous regardez comme si vous ne le voyez plus, comme il existe plus dans votre vie, mais sachez qu'il continue à exister. Et il garde tout son pouvoir. Toutes ses capacités d'intervenir. Il ne laisse rien au néant. Il ne laisse rien au hasard. Il ne laisse rien au vide. Il existe et existera toujours. Le maître des situations. Maître de tout. C'est le Dieu que Branham prêche. Le Dieu que le tabernacle des chrétiens croit. Le Dieu que nous servons et adorons. Regardez, les apparences que vous pouvez vous faire de lui, les idées que vous vous faites de lui, ne peuvent pas changer ce qu'il est. Il est et demeurera ce qu'il a toujours été. Sa nature ne change jamais. Mais il est Dieu. Il est Dieu. Ici, dans la prédication, Dieu dévoilé. Écoutez ce que Frère Branham dit. Le 14 juin 1964. On prend le paragraphe 55-57. Et puis nous allons reprendre encore au paragraphe 77. À 80. Alors, c'est ce que j'essaie de dire. C'est que Dieu, qui a toujours été, croyez-vous ça? Dieu qui a toujours été. Est ici. Il est ici. Tu regardes, tu vois rien. Tu touches ton corps, tu ressens. Mais Dieu c'est quoi? C'est qui? Mais il est ici. Là où vous êtes ici. Il a toujours été et il est ici. Tout ce qu'il a fait. Quand il s'est fait homme, c'est qu'il a changé de masque. Il a juste changé de masque. Oui. Il était un morse. Il s'est transformé de ce qu'il était en ce qu'il est. Où il a changé son masque. Un autre acte. Il est entré dans un autre acte. Par exemple, dans une grande pièce de théâtre, je parlais de cela ce matin, faisant un peu de rattrapage là-dedans, au sujet de Shakespeare. Ça fait longtemps, mais quand Shakespeare a écrit la pièce de théâtre, la pièce de théâtre pour le roi Jacques d'Angleterre. Le personnage de Macbeth, voyez-vous. Shakespeare ne croyait pas aux sorcières. Shakespeare venait condimenter avant de tuer Abassi. Mais dans la pièce, étant donné que le roi lui croyait aux sorcières, alors il a été obligé d'inclure des sorcières. Lui-même Shakespeare ne croyait pas aux sorcières. Mais il tourne une pièce de théâtre pour le roi Jacques d'Angleterre. Et pour pouvoir satisfaire le roi, quand il verrait la scène, il inclut les sorcières dans la pièce de théâtre. Alors celui l'auteur là ne croyait pas aux sorcières. Voyez. Eh bien, pour ça, ils ont modifié la distribution de rôle. Donnez tel rôle à celui-ci, changez maintenant. Va jouer tel autre rôle. Et pourtant, c'est la même personne. Becky ici dans Carmen. Moi, non, donc, la fille de Frère Branham Becky. Okay. Dans Carmen, ils ont joué ça à l'école où elle vient d'obtenir son diplôme. Non, la pièce de théâtre de Shakespeare là. Donc d'autres personnes sont venues jouer le même rôle que Shakespeare avait essayé d'attribuer à d'autres personnages à l'époque où il avait fait la pièce. Et pour ça, ils ont mis faire donc l'entraînement, une répétition. Eh bien, une seule personne pouvait jouer trois ou quatre rôles. Motomo kwa kwa kusala misala mi baleto misato to mi. Et pour le faire, il changeait de masque. Avane ko bongola bo bele. Mais pourtant c'est la même personne. Bo bele motomo ko. Dans ce rôle, il est la sorcière. Na mosala dans cet autre rôle, il est le cuisinier. Dans l'autre rôle là-bas, c'est le menuisier. Una zali mukati mabaya. Pourtant c'est la même personne. Ata bongo zali bo bele motomo. Mais changeant de masque d'habillement d'apparence. Bo bele lo lengera ko mi monisa. Il a tel ito. Et parfois il sort, il est tel personnage. Et la force suivante, quand il sort, il était l'autre personnage. Mais c'est la même personne tout le temps. Mettez-vous là. Dans les domaines naturels, ça se passe comme ça, les mises en scène. Alors, paragraphe 77 est suivant. Or, quand il est dit ici qu'il s'est déversé, ou il s'est répandu, maintenant, nous, on serait porté à penser ceci, qu'il aurait vomi. Donc Dieu avait quelque chose, un contenu à l'intérieur de lui. Il aurait vomi. Mais le mot anglais, emptied. Et le vélo en anglais. Ou en français, déversé. Ou qu'il aurait répandu quelque chose. Qui était en lui, que quelque chose de différent de lui serait sorti de lui. Donc, que lui était le contenant, et non pas le contenu. Cette pensée-là est erronée. Mais le mot kénos en grec ne veut pas dire qu'il aurait vomi. Ou son bras serait parti. Et que son œil serait parti, une autre personne. C'est qu'il s'est transformé. Lui, il s'est transformé. Il s'est répandu dans Amen. Ami Sophie. Il s'est répandu dans. Et puis Branham dit Amen. Ami Sophie Kati, de s'être répandu. C'est qu'il s'est transformé. Il s'est répandu. Ami Sophie Penza. Amen. Dans un autre masque. Alati et ça le mosusu. Dans une autre forme. Na lolenge mosusu ya mosala. Êtes-vous là? Vous allez wana? Voyez quand un acteur de théâtre est en train de jouer ce rôle là. Na mosali azali kosala misala na yona. Il fait en sorte que lorsqu'il est dans le nouveau rôle, les scènes et son apparence de l'ancien rôle ne viennent même pas à votre vue. Il vous fait vivre carrément autre chose de lui. Et quand il va, il y aura pause pour qu'il passe à un autre rôle. Vous allez vivre la réalité d'une autre scène encore. Là, c'est lorsqu'il veut que cette forme ou la scène dans laquelle il est vous impressionne. Retiens votre attention. Ce n'est pas une autre personne. Appelez le Saint-Esprit qui est sorti de lui. Mais c'était lui-même. Est-ce que vous saisissez? Ce n'est pas que Dieu s'est dupliqué. Et il essaierait de doubler ou quadripler ou des choses comme ça. C'est la même personne, mais qui se met à jouer un autre rôle. Ce n'est pas une autre personne, appelons le Saint-Esprit, qui est sorti de lui. Comme pensent les trinitaires. Quand vous allez dans les églises trinitaires, ils voient comme ça. Ils pensent que c'est une autre personne appelée le Saint-Esprit qui est sorti de Dieu et qui est venu dans l'église. C'est faux. C'était Dieu lui-même. Mais dans un autre rôle. Donc c'est pas une autre personne appelée le Saint-Esprit qui est sorti de lui. Mais c'était lui-même. Vous saisissez? L'assemblée dit Amen. Il s'est répandu lui-même dans les gens. Christ en vous. Christo katina bino. Comme c'est beau. Comme c'est merveilleux. Vous pensez que Dieu s'est répandu dans l'être humain. Comme les croyants. Répandre. Ça faisait partie de sa pièce. De faire ça. Dieu, toute la plénitude, toute la divinité corporellement, se trouvait dans cette personne, Jésus. Il était Dieu, le seul Dieu. Jésus-Christ là. Il était Dieu, le seul Dieu. Pas une troisième personne, ni une deuxième personne, ni une première personne, mais la personne, Dieu voilé dans la chair humaine. Il n'était pas la première personne de la divinité, de la Trinité. Il n'était pas la deuxième personne. Il n'était pas la première personne. Il n'était pas non plus la troisième personne. Même pas la quatrième personne. Mais il était la personne de Dieu. Dans la chair humaine. 1 Timothée 3:16. Frère Branham le cite. Sans contredit. Le mystère de la piété est grand. Libomba mi abonzambe zali monene. En effet. Abongo. Dieu. Nzambe. D-I-E-U. Dieu. Na komeliwana nzambe. Elohim. Oya mikoki na yemoko. B majuscule. Komeliwa monene. I-E-U. Dans la Bible. Kati na Biblia. D majuscule. Komeliwa monene. I et U. Dieu. Donc Zambé. Le mot Dieu. Zambé. Elohim dans la Bible. Elohim kati na Biblia. Vérifiez-le. Otala yango malamu. N'importe qui. Le mot dans l'original, ce qui est dit, c'est Elohim. Elobeli oyo na ebandeli koma mikune zali Elohim. Au commencement. Na ebandeli. Elohim. Elohim. Voyez. Omoni. Elohim. Sans contredit. 1 Timothée 3:16. Hein? Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Zambé, ami c'est Elohim. Elohim. Donc, on pouvait lire 1 Timothée 3 verset 16 comme ceci. Et sans contredit. Elohim. Sans contredit, le mystère d'Elohim est grand. Sans contredit, le mystère d'Elohim est grand. Le mystère d'Elohim est grand. En effet, Elohim a été fait chair. Et nous l'avons touché. Elohim voilé dans une chair humaine. Le grand Jéhovah, Jéhovah mon aîné, qui remplissait tout l'espace, le temps et partout, il s'est fait homme. 1 Timothée 3:16. Comment le lire autrement? Elohim, sans contredit, le mystère d'Elohim est grand. En effet, Elohim a été péché. Et nous l'avons touché. Elohim voilé dans la chérimène. Le grand Jéhovah, Jéhovah mon aîné, qui remplissait tout l'espace, le temps et partout, il s'est fait homme. Nous l'avons touché. Elohim. Elohim. Au commencement Elohim. Et Elohim a été pécheur. Et il a habité parmi nous. C'est sa façon de faire. Le rôle de la pièce. C'est de cette façon que il doit jouer le rôle. C'est sa façon de se révéler à nous comme une personne différente. Nous sommes des mortels, il le sait. Et nous comprenons seulement comme des mortels. Nous connaissons seulement comme des mortels. Nous connaissons seulement ce que nos sens nous permettent de connaître. Et le reste, nous devons le croire par la foi. Et nous disons qu'il y a un Dieu forcément, que nous le voyons ou pas, Nous le croyons quand même. Vous voyez-vous qu'il est ici? Vous avez conduit Maïta Zaliawa? Même si tes sens ne permettent pas de l'étudier. Nous le voyons. Nous le ressentis. Mais que le cœur croie en moi. Nous disons qu'il y a un Dieu. Forcément. Que nous les voyons ou pas. Nous les croyons quand même. Vous voyez, qu'il y en ait un ou pas. Nous les croyons quand même. Parce que Dieu l'a dit. Nous pouvons entendre la parole de Dieu. Et cela suscite la confiance en nous. Ça suscite la foi à nous pour croire que c'est vrai. Que ce que Dieu nous dit est palpable. Est réel. Au sujet de chaque situation. Avez-vous confiance? Que le Dieu là est ici. Qu'il s'est répandu. Pour trouver une place dans ton cœur. Ce n'est pas un dédoublement. Un triplage de Dieu. Un triplement ou un quintuplement de Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui se répand. Il entre ici, il entre là-bas, il entre dans son frère, il entre dans cette sœur, il entre dans l'église, il se déverse lui-même. Et maintenant, par votre canal, ce sera Dieu dans une autre forme. En train de jouer un autre rôle à travers l'église, à travers les fils et les filles de Dieu. Le même Dieu. L'unique Dieu. Nous disons Amen. Nous croyons la vérité. Que Dieu bénisse ceci. Pour que nos cœurs soient stimulés à croire. Ne jamais douter de Dieu. Ne jamais limiter ce Dieu. Il est ici. Tenons-nous debout pour la prière. Glorifions le Seigneur, l'Éternel. Ensemble. Et puis nous chantons Hosanna. Hosanna. Hosanna. Béni soit le roc. Béni soit le rocher de mon sang. Hosanna. Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de louange. Glorifions, glorifions le Seigneur ensemble. Humble, carré, c'est une chantant Hosanna, Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon sang, Hosanna. Thank you. Jéhovah, Nissi est son nom. car l'Éternel m'embagne. Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi est son nom. Car l'Éternel m'embagne. Chantons Hosanna, Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le rocher de mon sang. Hosanna, Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le rocher de mon sang. Dieu bien-aimé, nous te remercions de ce que tu es un Dieu si grand, Dieu qui peut tout, qui joue différents rôles, de manière illimitée. Tu fais agir ici, là-bas, plus loin et partout. Amen. Tu t'es répandu ici sur terre à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Et jusqu'à présent, tu le fais encore. Laisse que nos cœurs croient ça. Tu mets chaque cœur à croire ta parole. À renoncer à l'incrédulité. À s'effacer aussi soi-même. Amen. Faire anéantir le vieil homme pour laisser Christ paraître à nous. Un état de mort en soi. Nous les réclamons au nom de Jésus-Christ. Pour mon frère, pour ma soeur, chacun de nous, Seigneur, fais-nous arriver à ce niveau où la mort en soi-même devient une telle réalité que notre vieil homme s'anéantit. Nous dépouillons à l'image de Jésus-Christ pour devenir autre chose. Que la transformation soit palpée. Oh Seigneur, qu'il en soit ici. Exauce mon frère, exauce ma soeur et bénis notre église. Dans le Saint nom de Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Veuillez vous asseoir.